reste seul sur un quai vide, comme si l'on attendait quelqu'un à se redire qu'elle s'en va de tout chavire et que l'on n'y comprend rien. Et que l'on n'y comprend rien. Ou que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes. Tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas les signes que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Tu ne vivais que par tes rêves, je ne voyais que par les miens. Le conte fait battait de l'aile, on s'aimait tant mal que bien. On s'aimait tant mal que bien. Où que le train t'emmène, d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras. Ne vois-tu pas le signe que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Vivons ensemble nos colères et nos tendresses et nos chagrins, à faire l'amour, à faire la guerre, qui sont écrits dans ta main. Qui sont écrits dans ma main. Où que le train t'emmène, d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas les signes que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas les signes que la chance nous dessine?